Non. Ciao. Vas-y, je prends. Non, non, c'est moi ce soir, je suis désolé les gars, Pinkman était bien à l'heure. Pour une fois, Jounes était bien à l'heure. Donc voilà, on va pas en rajouter. Hein. Donc ce soir, émission spéciale Pinkman sur Radio Sud, 101.8, radiosud.net. Wesh, ça va quoi? Tranquille, hein? Ouais, ok, ça va. Là, tu commences à... Attends, non, mais je fais deux trucs en même temps en plus, tu vois, là, je suis à moitié sur le bail. Tu veux que je comble? Vas-y, comble. Hein. Je peux faire des claquettes. Donc, Jounes, toujours autour de la table. Il y a Théo2S aussi avec nous. Oh, il y a B-City, là, qui est venu renifler un peu. La concu. Il y a Sinza qui est arrivé avec Dino. Voilà, il y a du monde dans les studios, tranquillo. C'est l'échappé du zoo. Merci. C'est le dino zoo. Yes. Allez. Donc, c'est bon, on commence direct. Ouais, on va essayer de rattraper le temps perdu. Donc ce soir, émission spéciale Pinkman, yes, donc merci d'être venu. Avec plaisir. Désolé pour le retard, petit retard, voilà, après on est là jusqu'à minuit, tu connais, on va te poser pas mal de questions. Pinkman, je vais essayer de faire un petit résumé de tous les réseaux, tu me dis si j'ai juste, mm-hmm. tu me complètes si je me trompe. Vas-y. Bon. Donc sur YouTube, c'est Moula Maker Music. C'est ça. Yes, on est bon. qui compte plus de 480 000 vues pour, je crois, une dizaine de clips. Ouais, il y a un peu plus que ça, si tu veux, mais vu qu'elles sont, elles sont plus publiques, ça comptabilise pas le reste. Mais c'est ça, en gros, ouais, okay. C'est ça, frérot. Donc bientôt 500 000 vues, parce que je pense que là, il y a sûrement des clips qui vont arriver. Mm-hmm. Instagram, Pinkman Moula Maker. C'est ça. Donc pour ceux qui ont un peu du mal avec l'alphabet, Pinkman Moula Maker. Back L gros, en direct. Ah. Yes, est-ce que t'as Snap? Est-ce que t'as, je sais pas, Twitter? Snap, toutes ces conneries? Snap c'est privé. Yes. Vraiment c'est que pour le privé. Et puis Twitter pour le moment, je suis pas encore trop dessus, mais mon manager il va s'y mettre. Okay. Moi je suis pas trop Twitter. D'ailleurs, big up à lui, c'est Jeune Hugo, ouais, ok, big ça. Up à lui, hein. Du coup j'ai pas mal parlé avec lui aussi. Il te manage pour ta voix. Il me manage. Il te manage vraiment, c'est ouais. quoi ouais, ouais, c'est vrai, okay. Bye, c'est... Voilà, c'est... Raconte-moi, c'est quoi son... Qu'est-ce qui te manage? Parce que c'est bien, enfin, c'est gentil, on a plein de statuts, tout ça, mais vas-y, c'est moi, quoi concrètement, qu'est-ce qui te fait? Moi, si tu veux, ce que j'entends par management, en fait, si tu veux, c'est... Moi, voilà, je fais ma musique, j'ai besoin de quelqu'un pour faire tout ce qui est suivi avec répondre, envoyer des trucs aux médias, répondre aux mails, voir gérer les prods, parce que tu vois, c'est pareil, je vais pas souvent sur ma boîte mail. Et là, en l'occurrence, tu vois, il est surtout là parce que je commençais à avoir des propositions et puis j'avais besoin de quelqu'un qui s'y connaissait, qui avait des contacts dans le milieu. Je pouvais pas y aller tout seul et j'avais besoin de quelqu'un pour cadrer les choses aussi, pour pas faire n'importe quoi, pas me faire prendre ou des trucs comme ça, tu vois. Ok, pas te faire prendre, comment ça? Bah parce que dans des maisons de 10, tu peux vite te faire avoir. Si t'es pas forcément trop renseigné, que tu te précipites, enfin voilà, tu vois, j'avais besoin de... Je pouvais pas prendre des décisions tout seul, si tu veux. Voilà. Ok. Deux, trois questions, du coup, parce que je regardais un petit peu. T'as un label ou t'as pas un label? J'ai monté un label, si tu veux, sur lequel je produis mes potes essentiellement. Puis ben, des gens qui passent, qui veulent enregistrer. Mais okay. c'est pas un label déposé, c'est pas une association, c'est un label. Okay. Vous avez mis un blast derrière, voilà, ça, quoi. Voilà, c'est fictif, entre guillemets. Okay. Si voilà. Donc c'est Young Supremacy Music, c'est ça. Ok. C'est ça. Pareil, je regardais aussi les clips fort. Double L. Double L. Qui c'est Double L, en fait? C'est le sang, c'est des amis d'enfance. Qui ont commencé par des vidéos YouTube et qui sont bien développés dans le truc. Et puis maintenant, ils sont à fond là-dedans, quoi, dans les clips. Yes. Et puis aujourd'hui, je leur sers un peu de carte de visite, entre guillemets. Et je dois dire qu'ils font du bon taf. Ils avancent aussi. Le matériel avance. Il faut le temps qu'ils se développent. C'est pour ça que j'ai fait récemment des clips avec d'autres personnes. Parce qu'ils ont besoin aussi de se développer de leur côté. Et c'est le sang. Okay. Je travaillerai avec eux autant que je peux. On verra. J'ai vu aussi les prods, en fait, je me suis rendu compte que t'avais pas forcément un mec qui te faisait des prods. tous ces gens, c'est des gens que tu côtoies ou c'est par le biais de, d'internet, tout ça, tout ça. Ça, c'est un truc qu'on me le dit souvent. Ben ouais, c'est vrai. En fait, j'ai deux ou trois beatmakers que je peux te citer avec lesquels je travaille. Mais si tu veux, pour le moment, c'est vrai qu'avant, je le faisais pas beaucoup. Maintenant, je l'ai fait beaucoup plus sur des projets qui vont sortir où j'ai travaillé plus avec des beatmakers. Mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses qui provenaient d'internet, du type beat, okay. YouTube, comme 90% des gens aujourd'hui qui peuvent. Yes. Tu vois. Puis après, j'ai acheté les prods en exclusivité, les machins. Mais derrière, il faut rentabiliser aussi. Enfin, voilà, tu vois, ouais. Tout ça. Ouais, voilà. À part le rap, tu fais autre chose ou vraiment tu te butes au rap, tu fais non, que non, ça non, je peux pas, gros. Après, aujourd'hui, oui, le rap, ça met du beurre dans les épinards, mais je peux pas en vivre. Je peux okay. pas en vivre. T'as vu, j'ai fait des études. J'ai fait un bac pro, hein, j'ai pas fait des études de fou, mais. T'as pas fait un bac L. Non, j'ai pas fait un bac L, frérot. Non, non. Ouais, non, non, j'ai fait un bac pro. Non, je travaille dans le commerce, gros. Voilà. Non, je travaille à côté. Ok. Mais par contre, dès que j'ai du temps libre, c'est studio avec les gars, okay. Tirer des plans, et ouais, c'est tout le temps. Si. Voilà. Est-ce que tu peux me parler aussi de ton entourage? Quel est ton entourage? Je vois beaucoup de mecs qui reviennent souvent dans les clips. Ouais. On s'était croisés à Vesoul aussi. Bon. J'en ai reconnu 2-3 dans les clips, tout ça. Ouais, ouais. Qui sont ces gens? Que font-ils? Tu connais hein, l'entourage. J'essaie de garder le même entourage, garder les mêmes gens autour de moi, des gens qui changent pas, qui peuvent me motiver, qui sont, on va dire, je sais pas comment dire, mais si tu veux, qui sont réels dans leur manière de juger le travail que je vais faire. Si un son est pas bon, ils vont me dire non, là t'as merdé, ça faut pas le sortir, yes. Ou ça va pas, tu vois. Ils savent faire la part des choses. Et puis je veux dire, tu vois, c'est des gens de confiance, okay. Toujours le même. Donc il y a Macaque qui fait un peu de rap aussi, je sais pas si tu connais. Ouais, j'ai vu qui, ça. Qui fait mes bacs aussi notamment. Voilà, après les autres, vous connaissez pas forcément, c'est mes potes, mais toujours le même entourage. Toujours okay. le même entourage, ouais. Très bien. Juju, t'avais une petite question ou non, j'envoie le son? Cool, envoie le son, tranquille, okay. Là j'écoute. Yes, donc j'ai guetté un peu ta chaîne YouTube, et d'ailleurs je recherchais un vieux clip que t'avais fait, et ouais. Je l'ai pas retrouvé, ouais, tu vois, ouais. Et je voulais ouvrir avec celui-là au début, et je cherchais, j'ai jamais trouvé. Donc je pense que tu l'as enlevé. Donc J'en ai enlevé. On va éviter d'en parler. Ouais, bah y a pas de souci, je peux en parler, mais non. C'est parce que c'était ton premier clip. Non, parce que en fait je cherchais ce clip parce que quand j'ai regardé Bodéine, ben je vois il y a 2 ans. Je dis ben non, mais il y en avait un autre avant, tu vois. Il y en avait plein d'autres. Bah ouais. Il y en avait plein d'autres. En tout et pour tout sur YouTube, je cumule 1 million de vues. Ok. Mais c'est des clips, si tu veux, qui correspondent plus aujourd'hui à ce que je veux faire. Ça reflète pas ce que je veux faire dans la musique, et je veux pas être attaché à cet ancien moi, si tu veux, dans la musique. Voilà. C'est pour ça. Avec l'évolution, t'as décidé de. Voilà. C'était. Ok. Voilà. Ok, très bien. Et tu trouves pas ça dommage justement d'effacer totalement ce que tu as été avant, puis de parce que ça montre quand même ce que tu as été avant et ce que tu es aujourd'hui. Ça montre quand même ton évolution. Tu trouves pas ça dommage de... Si, je comprends ce que tu veux dire. Mais le truc, si tu veux, c'est qu'en fait, ce que j'ai fait, je les ai enlevés de YouTube. J'aurais pu faire la démarche de les enlever des plateformes pour qu'ils disparaissent totalement si je voulais vraiment m'en détacher. Sauf qu'aujourd'hui, si tu vas sur iTunes, Deezer, etc., tu tapes Pinkman, mes sons qui datent de 2014, de 2013, tu les retrouves. Ah, parce que c'est des sons qui datent d'il y a 5 ans. Ah oui, il y a des sons grave vieux. Frère. Ouais, ouais. Ah ouais. Parce que quand j'ai regardé... C'est pas tellement vieux que, c'est non, pas c'est tellement non. Vieux que ça. Hein, mais je veux dire, par rapport à la musique que c'était, c'est vieux par rapport à ce que je fais et ce qui se fait aussi aujourd'hui. Donc là, Pinkman, il est né en 2017, en gros. D'accord, ok, je vois. Non. Non, frérot, il est pas né en 2017, mais quelque part, en fait, si, il est né en 2017, parce que... Si tu veux, toute cette période, c'était une période de recherche. Je me cherchais, il fallait que j'aiguise, que ce soit ma plume. Ça, c'est quelque chose qu'on m'a beaucoup reproché, d'avoir des paroles des fois qui étaient un peu bateau. Ouais, ça, c'est des trucs, tu peux pas les changer du tout au tout. C'est un travail sur le fond. Et puis après, pareil, au niveau des mélodies, au niveau de tout ce travail, c'est à force de... Moi, voilà, j'ai toujours entendu dire que pour réussir dans la musique, il faut être au studio tout le temps. Donc c'est ce que je fais. Et aujourd'hui, ce que je sors au studio, ça n'a plus rien à voir avec ce qu'il y avait 5 ans. Donc aujourd'hui, je suis plus proche de Pinkman qu'avant, si tu veux. D'accord. Et alors avant, c'était que du test. Tu te cherchais toi-même. Je me cherchais. Et pourquoi tu ne fais pas le test tout seul dans ta chambre? Mais je le fais justement. C'est tout ce que j'ai sorti avant, c'était ça. Ouais, non mais tu l'as pas fait tout seul dans ta chambre parce que tu l'as sorti. Je l'ai... Une ouais. fois que tu le mets au public, ça reste au public en vrai. Mais le truc, si tu veux, le morceau, moi quand je l'enregistre, même quand il y a 5 ans, quand je le sortais, j'étais content du morceau. Mais j'avais besoin de savoir ce que les gens en pensaient. Il fallait que je jauge un peu ce que les gens en pensent. Si je fais ça dans ma chambre, si j'ai 3-4 potes qui vont me dire c'est bien ou c'est pas bien, c'est pas avec ça que je me fais un avis, frérot. Tu vois, faut. Ok. Après, c'est mon point de vue. Ouais, c'est ton. Ah, je suis pas en train de le mettre en cause, bien sûr. Mais ouais, c'est mon. Voilà. Ok, ok. Ok, ça marche. Parce que moi, j'ai fait du rap à une époque. Ouais. Et je veux te dire, il y a un paquet de sons que je me suis testé. Enfin, avant de sortir un son sur internet ou quoi que ce soit. Bien sûr. Il y a eu 3-4 ans où je t'ai fait dans l'ombre, tu vois. Mmh. Non, mais c'est sûr. Donc, après, c'est pour ça que j'essaie juste de confronter le truc. Et puis, voilà. Rien de... Après, voilà, je suis pas dans une politique où je sors tout ce que j'enregistre. Il y en a plein que je sors pas, mais voilà, ouais. Il faut que je me teste. Ça marche. Yes. Il faut que je me teste. Donc, du coup. Je vais sur YouTube, je tape Pinkman, je vais sur Moula Maker Music. Bien sûr. Je descends dans vidéo, je descends et je tombe sur il y a 2 ans, Bodéine, et il y a 1 an, Hack. Hack. Hack. Hack. Voilà. Donc, vas-y, je vais balancer ces 2 premiers morceaux. En fait, on va faire un petit voyage dans le temps, on va dire depuis il y a 2 ans jusqu'à il y a 2 semaines. Vas-y. On va faire comme ça. Très bien. Donc Bodéine et Hack, c'est Pinkman, l'émission spéciale sur Radio Sud, radiosud.net, 101.8, la 25e, jusqu'à minuit. Comme d'hab, on est là dans les studios. Écoutez ça, montez le son, normal. Radio Sud. La 25e, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao, Jounes. 22h, minuit. Radiosud.net. 101.8. J'ai le visa pour le strike. Je mets le sirop dans la tête. J'en ai assez de mal. J'mets le sirop dans le pipe, j'ai le viseur pour le strike. J'mets le sirop dans la tête, j'en ai assez de mic. Yeah, yeah, yeah. J'mets le sirop dans le sprite, yeah, yeah, yeah. J'mets le sirop dans le sprite, yeah. J'mets le sirop dans la tête, j'ai le viseur pour le strike. Yeah. J'mets le sirop dans la tête, j'en ai assez de mic. Yeah, yeah. J'mets le sirop dans le sprite, yeah. J'mets le sirop dans le sprite. Yeah, au chat, je me dans mon penthouse. On est 18, on a le liné, on part du Versace. Yeah, yeah, yeah. Dis-moi où t'es, ouais, dis-moi où t'es. On dirait à tes, ça fait 10 motels, ouais, dis-moi où t'es. Dis-moi où t'es. Y'a vénère dans la potion. Yeah, je vais te montrer l'invention. Ma vie, tu sais plus rien de mes tonnes. Y'a pas besoin d'heure sub, j'ai la verre bonne. C'est toi mon bête, j'ai toujours ton hymne dans mon téléphone. Yeah, ta gueule est pas si conne, et l'adresse c'est mon partenaire. Yeah, je suis la victime, il donne. Yeah, imagine comme on est au top, mais yeah, quand ça j'écoute musique, il me sonne. Yeah, yeah. J'ai pas le temps de le faire, yeah, yeah, yeah, yeah. Hey, je vais te demander de te taire, yeah, yeah, yeah, yeah. Hey, j'ai la côte dans la poche, y'en a dans le spray, c'est la peur. On développe notre truc à casser, on va décimer dans la poche, yeah, yeah, yeah. Accorde-moi cette faveur, yeah. On s'attache surtout à la valeur, et la valeur dure. Y'a nos pieds n'entreront que dans des anodines. J'mets le sirop dans le pipe. J'ai le viseur pour le strike. J'mets le sirop dans la tête. J'en ai assez de mic. Yeah. J'mets le sirop dans le sprite. Yeah. Yeah. J'mets le sirop dans le sprite. Yeah. J'mets le sirop dans la tête. J'ai le viseur pour le strike. Yeah. J'mets le sirop dans la tête. J'en ai assez de mic. Yeah. Yeah. J'mets le sirop dans le sprite. Yeah. J'mets le sirop dans le sprite. Radio Sud. La 25e, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao, Jounes. 22h, minuit. Radio Sud.net. 101.8. partir. Tiens bon, mais en valeur, on vient foutre le fire. La mort en haut-parleur, à deux spammer sous mon joyau. J'dose, j'monte un joyeux, toi t'es moyen. T'es peut-être jaloux, j'm'en bats les doux, on sait se donner les moyens. Aïe, hey, j'suis comme martyr, j'suis comme fire. J'suis dans sa verre, j'suis dans sa, donc fous le fire. J'me sens bien, j'ai le sommeil, ça vous tient. Pas de vitamine, mais ta peau pour ça nous tient. Yeah. Hey, c'est pas la fin du film, yeah. C'est bien la fin du lit. Ouh. On a le bas coude dans le jean, yeah. On est en mode survie. Ouh. On a les poches remplies, yeah. J'allume un Indian spiff, yeah. Allumé, j'craque ton slim, yeah. Tous les jours vague dans le vide. Ouh. Tu sais d'où vient le bif, j'pourrais pas te dire. J'pourrais partir, ou dans le meilleur des cas ne pas le dire. Diamant brille quand on sourit, hein. J'écoute pas tes sons pour rien. La ganja sauce va te faire mourir, hein. Dans le maquis. On fume le paquet, hein. J'vais te raquer, lui mettre le paquet, hein. Parmi tapis, mais j'vais tout rafler. La go est partie, alors je vais pas tarder. Prends les paris, premier en basé, hein. J'irai en rallye, tu seras toujours à bien, hein. T'es pas encore parti, j'suis dans la partie, hein. J'aime bien les bagarres, j'comptais pas partir. Yeah, la 25e, on est toujours là jusqu'à minuit avec Pinkman dans nos studios. Donc là, c'était les deux sons Bodein et Hack, donc respectivement il y a 2 ans et 1 an. Donc juste avant ça, tu nous disais que tu t'étais cherché musicalement, tout ça. Mm-hmm. Ouais, bah pendant longtemps, hein. De toute façon, c'est comme tout le monde, tu vois, c'est comme au foot, un mec il va travailler sur les points où il est bon. Mm-hmm. Tu vois, tu connais. Tu vois, yes. Voilà. Donc okay. Ouais, je me cherchais. Comment ça, tu connais Chao, t'as une carrière de footballiste, de footballeur, quoi. Ouais, j'ai croisé, tu connais. Ah ouais, c'est normal. Ouais, fini. D'ailleurs, je sortais de l'entraînement ce soir, c'est pour ça, tu vois. J'essaye de me remettre, mais première div, tu connais. Ah putain, centre de formation, social mobilier, tout ça. C'est ça. On vous connaît. Ouais, je te posais la question, parce que pareil, pendant les sons, là, j'ai entendu ton âge. Ouais. Et en fait, toi, officiellement, tu fais du rap depuis combien de temps? Ou t'as commencé à quel âge? Je te dirais, j'ai commencé le rap il y a 8-9 ans. Ok. Il y a 8-9 ans, après, officiellement, que je mets des trucs sur Internet, donc que je rends ça public, que ça sort de soirée ou ça sort de délire avec des potes. Je pense que le premier clip que j'ai sorti sur YouTube, ça doit faire il y a 7 ans. Ok. Ouais, 6-7 ans, comme ça. T'as toujours été Pinkman ou il y avait un autre blaze avant? Non, avant il y a eu deux autres blazes. Ouais. Il y a eu deux autres blazes, mais avec des noms, tu vois, un peu anglophones. On veut savoir, hein. On est là pour ça. Hein. Ah non, vaut mieux pas savoir. Oh, vas-y, ouais, ça fait partie de toi. Non, je crois qu'il y a un truc, c'était Care, genre un peu Cares. Okay. Genre, prendre soin, attention, puis okay. Si tu disais à la française, ça faisait caresse. Mais tu vois, j'ai dit, eh oui, rigole, okay. Rigole. Ah, frère. Et voilà, okay, et okay. Voilà. Non, mais c'est bien, c'est non, bien. Mais t'as capté, voilà. Non, confession mais... intime, tout ça, non, vas-y. Voilà, on est là. Okay. Okay. Caresse. Voilà. Voilà. Ok. Et le second, parce que... Il n'y en a pas eu d'autres. Il n'y en a pas eu d'autres. Très bien. On va aller voir sur Demolition, Dailymotion. Il y a tout là-bas. Et t'avais quelle ambition quand t'as commencé? Du coup, est-ce que t'es arrivé en mode ouais, j'ai envie de tester, ou est-ce que t'es arrivé en mode moi sûr, j'ai en envie fait, de faire quelque chose ou... Ouais, je pense de toute façon, ouais, c'était non, le but c'était pas de faire quelque chose à la base, c'était juste que mes potes qui aimaient bien m'écouter rapper en soirée, qu'ils aient des trucs à écouter. Puis après, tu connais sur YouTube, il y a d'autres gens qui écoutent, t'as des retours, t'as des machins. Au début, c'est c'est pas forcément positif hein. Au début ouais, tu connais tu fais du voilà c'est pas facile au début mais après ouais si il y a l'envie qui vient de d'avoir plus de ouais de faire grossir le truc tu vois ouais, ça me plaît je vois qu'il y a possibilité de faire quelque chose j'ai des bons retours maintenant donc je regrette pas mais je pense que ouais depuis le début j'avais idée de faire quelque chose si je pouvais avec la musique quoi. Pourquoi ouais. C'est pas facile au début c'est quoi que t'as eu comme truc pas facile au début. Bah, tu connais, tu vas demander un coup de main à tel ou à un tel et c'est des noms en direct. Mmh. Tu vas demander des trucs, machin, puis aujourd'hui c'est des gens qui reviennent, tu vois. Mais ça c'est bien, c'est une bonne réussite de voir ce genre de choses. Mais tu vois, des trucs comme ça ou recevoir des messages de deux mecs qui vont dire ta musique sans forcément la connaître. Enfin voilà, où je comprends que tout le monde n'aime pas la musique, enfin, c'est pas possible de tout aimer, mais il y a la manière de dire les choses, je veux dire les choses de manière constructive, quoi. Exact, voilà. Exact. Bon, question bateau, l'origine du blaze, Pinkman. J'imagine qu'il y a un rapport avec Breaking Bad. Ouais, fort. Okay. Ouais, il y a un rapport avec Breaking Bad, mais moi, si tu veux, moi c'était dans l'engouement un peu quand c'était l'euphorie de Breaking Bad. Tout le monde parlait de ça, si tu veux. Puis bon, en soirée régulièrement, on parlait de la série. Puis si tu veux, moi j'étais grave sur Pinkman, je kiffais bien tout le bordel. Puis en rapport avec 2-3 autres trucs. Et puis du coup, mes potes sont... Il y en a 2-3 qui m'appelaient Pinkman comme ça pour déconner, mais pas plus que ça, tu vois. Puis au final, je me suis dit, vas-y, il me refaut un blaze. Ça t'a collé à la peau. J'ai dit, vas-y, je vais utiliser ça. Et puis voilà. Donc plus Pinkman que Walter White ou Gustavo Fring ou... Non, Pinkman. T'es Pinkman, toi. Ah, je suis plus Pinkman. J'aime bien le... Ah, t'es un bordélique, hein, en fait. Oui, je suis un bordélique. En fait, j'aime bien l'histoire parce que, si tu veux, Je veux dire, c'est un mec, si tu veux, quand tu regardes, quand il retourne chez ses parents et tout. Il a un petit frère qui a l'air de s'en sortir, il pourrait faire ce qu'il faut, puis tu vois, il fait que des conneries, il fait que des machins, tu vois, j'aimais bien, puis au final, tu te rends compte que c'est un mec qui a un bon fond, il prend soin des gens, il a un cœur, puis dans la série, il n'y a pas tout le monde, tu vois, j'ai bien kiffé, tu vois, c'était ça. Moi, je suis Gus, hein, tu connais. Ouais, bah, fort, le Spoyos Manos. Exactement. Bien sûr. Non, mais c'est mon gros gars, il met la pression, tu vois. Bien sûr, en restant calme. Exact. Ouais, en restant calme. Gros perso aussi, ça. Et d'ailleurs, bah, petite question à part, est-ce que tu te butes aux séries? Est-ce que tu as des séries vraiment classiques ou, tu vois, même films hein, classiques Plus belle la vie. Ouais, Plus belle la vie. Camping Paradis. Lourd. Je vous envoie du lourd. Non, en vrai, des bonnes séries. Là, j'ai buté Peaky Blinders. Je veux que je te dise la dernière. Moi, j'ai tout vu, hein, frérot. Au dernier épisode, là J'ai tout vu, frérot. Voilà, je coupe ton micro. Non, celui qui est sorti là, cette semaine là. Ah non, cette semaine, j'ai pas vu. Non, frérot, j'ai pas vu. Mais je vais regarder. Tu vois, je savais pas qu'il était sorti. Je vais regarder. J'ai buté ça, j'ai buté quoi d'autre Tommy. Je te coupe ton micro, je te dis. Dis rien. Non, vas-y, dis rien, je te jure. Non, ouais, après, sinon, moi, j'ai bien kiffé Son of Anarchy. Ouais, il y a plein de séries, hein, frérot. J'ai bien kiffé The 100. The 100 là, c'est des mecs qui sont envoyés sur Terre et tout. Ah, franchement, lourd. Non, ouais, les The 100, je pense, c'est une des séries qui m'a le plus marqué ces derniers temps. Bonne série. Après, après, je regarde toutes les séries que tout le monde regarde hein, en général. Hein. Ok. Black Mirror, les trucs comme ça. Yes. La Casa des Papels. Ben, ça, j'ai pas plus accroché que ça. Non, pas plus que ça. Ça m'a plu les 400 premiers épisodes après. Les 400 premiers épisodes ? Les 400 premiers épisodes. Mais toi, frère. Ouais. 400, ça fait beaucoup. On sait jamais, le mec, il est déter. Ah. Je suis arrivé au 399e à Rennes. Éclaté. Donc, mini résumé, ça fait à peu près 8-9 ans que tu as commencé le bail. Tu avais un autre blaze ou deux avant. Caresse. Tu t'es un peu cherché. Caresse. Voilà, aujourd'hui, c'est Pinkman. Petit rapport avec Breaking Bad. Une autre question, c'était d'où tu viens ? D'où tu viens ? Ah ben moi, je suis né à Besançon. Okay. Je suis né à Besançon, puis je suis à Vesoul. Okay. Et puis je compte y rester. Okay. Je compte y rester, c'est-à-dire que même si demain, on en a déjà parlé, même si demain je dois venir à travailler avec un tel ou un tel, okay. Je préfère de ça de chez moi, il n'y a pas de problème. Okay. Moi je veux rester, je veux représenter le plutôt peut-être Besançon que Vesoul, parce que t'as vu, Besançon ça parle plus aux gens. Ouais, ouais. Vas-y mais... frère, vas-y, t'es de Vesoul. non, mais t'as capté. Mais je vois où tu vas en venir. Moi voilà, tu connais. Bref. Non, j'ai pas honte du tout d'où je viens. Même, je pense que c'est une force. Il faut représenter ça. Après, Vesoul, Besançon, frérot, c'est la même, c'est juste que je veux parler de Besançon. Non. Si, si. Ah non, bien, chacun ses problèmes, mon pote. Bientôt, on est à 20 minutes, gros, arrête, arrête ça. Chacun arrête ses ça. Problèmes, Vesoul, Besançon, mais voilà, c'est non, la même. Ouais, moi, Besançon, puis j'habite à Vesoul, et puis non, non, Besançon, Vesoul. Non, non, parce que, en fait, quand je t'avais croisé, parce que pour les auditeurs, on s'est déjà croisé sur une scène, donc à Vesoul. Ouais, ouais. Et en fait, je m'étais posé la question parce que quand je t'ai vu arriver, quand je t'ai vu arriver sur scène et tout, j'ai dit, mais le mec, c'est un ovni ici. Tu vois ce que je veux dire? Dans tout, hein, la sap, l'attitude, la musicalité, tout ça, tu vois. Et je me suis dit, mais je sais pas si vraiment il est de Vesoul, Vesoul même, ou si c'est un mec, tu vois, je prends l'exemple de MA2D, là, qui en ce moment, il est à Vesoul, c'est un mec de Paname, tu vois, donc c'est pour ça que je te pose la question. Je me suis dit, est-ce que vraiment il est originaire de là-bas? Ouais, ou non, je suis originaire d'ici. Après, que ce soit pour la musique, pour le reste, je vais souvent sur la capitale, sur Lyon, sur ces coins-là. Ok. Puis après, le truc, si tu veux, c'est que mes inspirations, elles viennent des États-Unis un petit peu, que ce soit par mon frère. T'aurais dû naître là-bas direct, ça aurait été plus simple. Non, je suis content d'être en France. Mais non, c'est en France, de vous calmer. Je suis content d'être en France. Non, non, y a pas de problème, mais. Mais ouais, non, depuis petit peu, je suis dans ce bail. Donc après, ouais, je sais que par rapport à Vesoul, ça déteignait un petit peu, mais finalement, ce concert-là, j'ai eu des bons souvenirs, c'était bien passé. Un bon concert, j'ai eu des bons retours, c'était bien. Est-ce que tu te souviens comment il était arrivé sur scène? Ouais, je m'en souviens très bien. La sécurité, ils étaient énervés. Ouais, ils étaient énervés. Ouais. Il était arrivé avec quelque chose dans son bec. Et puis du coup, plutôt illicite. Voilà. À cause de ça, toute la foule s'est mise à mettre des trucs dans leur bec. Et ça, tout le monde s'est ébéqué. Ça faisait du bec à bec à tour de bras. Petit non, nuage. C'était drôle. Ouais, c'était marrant. Yes. Ah, attends. Oui. C'est qui Arnaud Depardieu? C'est le fils. Très bonne question. Ben ouais, comme tu dis, moi là le premier truc qui me viendrait à l'esprit, c'est le fils de Depardieu, ou un cousin, ou l'ami du frère ouais, quelqu'un. Mais je vais la refaire autrement. Toi, t'es le 1 ou le 2? Hein? Toi, tu te considères comme le 1 ou le 2? De qui? De Pinkman. Ah, mais regarde pas, je sais pas. Hein. Ouais, on s'est pas concerté. J'ai rien compris, frérot. Il y a plusieurs Pinkman, en fait. Ouais, moi, je dirais plutôt il y a un Pinkman et un Moulamaker, mais deux Pinkman. Ouais, mais toi, tu t'appelles comment, toi? Si tu sors un projet, ça sera écrit Pinkman. D'accord. Toi, du coup, tu te considères comme le numéro 1 ou comme le deuxième? Parce qu'en regardant un peu, j'ai vu deux de Pinkman. Ah, il y a un autre mec qui fait du son qui s'appelle Pinkman. Il habite à Nancy. Et puis, le truc... Ah, c'est pas loin. Dans le même délire que toi, un peu. Ah, c'est différent, enfin. Si tu mets le son en fond... Tu t'en rends pas compte tout de suite, en fait. C'est juste quand tu... Non, après, non. Après, on s'est quand même dit, wesh, mais c'est les anciens sons, ça. Non, c'est dit, c'est à l'ancienne. Ça vague un peu. Il dit, ouais, mais ça, c'est à l'ancienne. Ah, donc tu connais Arnaud Depardieu, alors. Arnaud Depardieu, bah non, je connais. Mais le truc... Il s'appelle Arnaud Depardieu. Mais frérot, t'es renseigné, moi, je sais même pas ça. Non, non, mais il y a écrit dans la description, en fait. Ah bah d'accord, je savais pas. Du coup, comment la cohabitation se passe? Parce que vous êtes quand même sur la même chaîne YouTube. Hein. Ouais, en fait, en gros... Non, en fait, non, on n'est pas sur la même chaîne YouTube, les gars. En fait, c'est que... C'est le streaming, ça. Les maisons de distribution, elles font pas le distinguo, si tu veux, par rapport à Pinkman ou Pinkman. Elles mettent tous les Pinkman ensemble. Moi, ils font juste le distinguo, si tu vas sur Deezer, iTunes, etc. J'ai des pages perso. C'est des pages perso Pinkman. Si tu tapes Pinkman, tu vas tomber que sur moi, tu vas pas tomber sur lui. Ok, mais si Pinkman, de par Dieu, il perce. Bah, il perce. C'est un sale succès. Il a des problèmes. Non, attends, vas-y. Pinkman Vesoul, il fait quoi? Franchement, je pense que ça sera le contraire, gros. Si ça doit arriver. Ah non, mais là, ma question, c'est si Pinkman Depardieu, il perce. Il sort un son de ouf. Pff, on voit Pinkman partout. Tac. Qu'est-ce qui se passe? Frérot, après, le truc, c'est que là, ça fait 2 ans que les gens aussi m'identifient à Moulamaker pas mal parce que je le fous partout. Ouais. Je pense que Moulamaker prendra le dessus. Ok. Moulamaker prendra le dessus fort, je pense. Ok. J'aime bien ta pirouette. Ah ouais? Non, ta réponse. J'ai bien aimé ta réponse. Ouais, tu vois, ouais. Parce que j'étais prêt à me... Mais vas-y. Non, correct. Je continuerai à taffer. Pas m'arrêter. Hein. Ouais, mais le blaze, il changera. Peut-être qu'il changera. Peut-être pas, je sais pas. Mais quand t'as vu ce Pinkman de Nancy, qu'est-ce que tu t'es dit? R? Moi, si tu veux que je sois honnête, mais c'est un peu bizarre comme réponse. Mais pas inquiet, je m'en fous, gros. Okay. Là, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a plein d'artistes. Tu vois, je prends l'exemple d'Hamza. Tu écoutes un gars comme Hamza, tu tapes Hamza sur YouTube, il y en a 4 des Hamza, gros. il y en a quatre, mais il y en a un qui a percé. Maintenant, ouais. Le tout, c'est qui percera en premier. S'il y en a un ou deux qui doit percer, si Dieu veut, bah, j'espère que ça sera moi. Je vais travailler pour, et puis bah, si c'est lui, bah, je ferai une pirouette, comme tu dis, je vais trouver une solution. Tu vois. Ok. Okay. Après des moulins makers, je pense qu'on peut en trouver aussi. Donc, j'ai cherché, il n'y en a pas tant que ça. Il n'y en a pas tant que ça. Donc, ok, c'est à celui qui perce le premier. Voilà, okay. C'est là. Bon. C'est bon. Si. Merci. Bon, je reviens sur YouTube, je retape Pinkman, je regarde, tac, 2 ans, 1 an, j'arrive, il y a 1 an, il y a VVS et il y a Limit. Ouais. Ok. C'est ça. Donc là, moi, je vais balancer les 2 sons. Mm-hmm. On va faire une petite pause. En même temps, si tu veux te battre un petit coup avec Jounes, tu peux. tranquille. Donc, VVS, Limit, ça, c'est pareil. Les clips, tous ces clips-là, c'est WL qui a fait. La majorité, ouais. 80% de ce qu'il y a sur la chaîne, c'est 80%. Okay. Ouais, 80%, c'est le WL. Ok. Ouais. Donc, je tenais à dire à tous ceux qui écoutent, vous pouvez aller voir les clips. Ils sont disponibles sur YouTube. Franchement, le travail sur les clips est très fort. C'est cool, hein. C'est vraiment cool. Hein. Le travail est très fort, franchement, les gars, ils gèrent ça bien. Ouais. Non, c'est propre. Je fais quand même des compliments. Non, niveau visu, tout ça, c'est lourd. Bon univers, tout ça, exact. Lourd. Donc, la 25e jusqu'à minuit, l'émission spéciale Pinkman, on envoie VVS et Limit directement. On est là, 101.8, radiosud.net, Bezac, tu connais. Radio Sud. La 25e, tous les jeudis. Ciao, Jounes. 22h minuit. Radio Sud.net. 101.8. Ma vie, pas m'occuper de la tienne, bitch. La coupe est déjà pleine, l'échéance arrive. Rempli de bitch, c'est là qu'on attend. Tu fais des shows dans des clubs, vite, faut jeter ton argent. J'ai pas bitch, mes gazures sur la banque. En train de fumer un arbre qui résisterait à des tempêtes. Oh, et ta copine mène des enquêtes. Y'a pas qu'on savoir que je vais devoir lui transmettre. Nos biters, posé dans le Viper. C'est quand on bike qu'on entre dans le Viper. J'entends des grailles, pour l'instant je n'ai pas de cœur. Tu fais du mal, on se connaît depuis un quart d'heure. J'suis dans ma city comme Jimmy dans la banque. Pourquoi timide, c'est que t'es limite, tu mériterais la mort. J'suis un peu busy, entre business et la drogue. Oh baby, tout il faut être sûr que ce soir le monde la fête. J'ai gagné ma vie, pas m'occuper de la tienne, bitch. La coupe est déjà pleine, l'échéance arrive. Rempli 4 bitch, c'est là qu'on attend. Tu fais des shows dans des clubs, vite. Elle amène des pastels. Elle peut répéter la posture. Quand t'es un imposteur, j'ai un super méga blunt dans mon holster. Tous les jours c'est God bless. Elle veut un prospect. Il faut que tu danses. À peine je sors de son poussi, qu'elle en redemande. Elle vient nettoyer le club pour réparer ses fautes. J'suis dans ma city comme Jimmy dans la banque. Pourquoi timide, c'est que t'es limite, tu mériterais la mort. J'suis un peu busy, entre business et la drogue. Oh baby, ton hood, il faut être sûr que ce soir, elle monte la frappe. Radio Sud. La 25e, tous les jeudis. Ciao. Jounes, 22h minuit. Radio Sud.net 101.8. The Real Age Beats. Salut, 10 aux 500 tout qui s'aligne. Conso de bise, nous on allume. Fuck et la VR, j'en salis. On vise le top, on évalue. Te baiser même sans y aller. Toujours dans l'abus. ta vie cousin je m'emballais. Mamie tu sais d'où je viens, mamie me montre le chemin. J'ai que de lâcher les chiens, je veux pas me salir les mains, yeah. Mamie tu sais d'où je viens, mamie me montre le chemin. Toi t'es perdu dans la coque, on veut juste fumer la dope. Quelques écarts comme comme, rêve en cuisine dans la porte. Vivre esprit comme un corps, quand j'ai fini le bravo. J'appelle Uber, prêt tard. Prépare les jambes, prépare le cœur. Prépare les gens, prépare le cup. Prépare tes dents, j'suis dans le plug. J'suis dans le sub, j'suis dans le club. J'suis dans les affaires, j'suis dans mon hut. J'suis dans la Bentley, j'suis dans la stun. Mais tout dans la feuille, j'allume un pet encore la veille. Baby quand je viens, j'casse vessie. J'essaie d'attendre l'adversaire. Baby quand on produit, on est précis. Le match est fini, plus le vestiaire. Deux, trois nudes, on apprécie. Vie facile, on apprécie. Pas, vas-y agis. Et on réplique. Baby reste calme, j'ouvre volet comme un sniper. Ou un baby compte ma maille avant je retourne dans le fight club. Yeah. J'viens dans la banque, on me salue. 10 ou 500 tout qui s'aligne. Course sur deux pistes, nous on allume. Fuck et la VR, j'en salis. On vise le top, on évalue. Tu veux te baiser même sans y aller. Toujours dans l'abus. Ta vie cousin, je m'emballais. Mamie, tu sais d'où je viens. Mamie me montre le chemin. J'ai que de lâcher les chiens. Je veux pas me salir les mains. Yeah. Mamie, tu sais d'où je viens. Mamie me montre le chemin. Oui, je fais un drive-by, même en pee-wee. CB, dans ma ligne, tout qui est silly. Bibi, j'écoute du rock et j'fais le midi. Bibi. Dans mon jean, je me sens comme Billy. Yeah. BBS font des flips. J'allume double stick. Oh. BBS font des flips. BBS dans les sticks. Oh. BBS font des flips. La concu qui nous piste. Hey. BBS font des flips. Hey. Billy rock dans les flips. Hey. On roule à 200 dans la street. Bibi. Je saute à la banque en plastique. On se voit pour le sexe, c'est pratique. Mais roule le shit élastique. Yeah. Je vais pas te dire qu'elle astique. Hey. Tu sais déjà qu'elle insiste. Je me réveille au lit, en a 6. Je me barre, je prends pas de risque. Yeah. J'aime dans la banque, on me salue. Du 10 au 500, tout qui s'aligne. Qu'on sort de piste, nous on allume. Faut qu'elle la VR, j'en salis. On vise le top, on évalue. Je peux te baiser même sans y aller. J'suis toujours dans l'abus. Ta vie cousin, je m'en balais. Mamie, tu sais d'où je viens. Mamie me montre le chemin. J'ai que de lâcher les chiens. Je veux pas me salir les mains. Yeah. Mamie, tu sais d'où je viens. Mamie me montre le chemin. La 25ème, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao, Jounès. 22h minuit. Radio-Sud.net. 101.8. 101.8. Julien, t'es un gars bien. Voilà. Voilà. Merci, Julien. Merci, Julien. Tu es génial. Mais qui est Julien? Tu es génial, ouais, Julien. Ça y est, comme toi. C'est... on t'aime bien, tout ça. Yes. Bah écoute, hein, moi, c'est ce que je disais là, Jounès, pendant que t'étais. En pause, il me disait en gros, ouais, comment il vient de Vesoul, comment il dit Besançon, tout ça. C'est ce qu'il me disait. Pas du tout. Non, j'étais en train de dire, non, il aime bien, il aime bien. Non, je disais, franchement, le travail sur les clips, il est lourd de ouf. Qui les clips, le travail sur les clips, il y a un lourd. Truc qui est passé dans ma tête, laisse tomber. Ok, justement, je voulais revenir sur Double L. Ouais. C'est qui? C'est un seul gars? C'est plusieurs gars? C'est une équipe? C'est quoi? C'est une équipe de deux personnes en fait. Le double L, c'est Léo et Lucas. Ok. Puis qui travaillent sur des projets tout seuls. Et puis ils travaillent ensemble sous l'étiquette le double L. Ok. Voilà. Et c'est des mecs de Vesoul. Franchement, très, très fort. Ouais, c'est des bons gars. Big up à eux, au passage. On a reçu des gens de Vesoul qui disaient qu'il n'y avait pas beaucoup de clippers là-bas. Ouais, c'était. C'était Big Zif. Alors que. Bah en vrai, ouais, le double. Ils sont pas accessibles. Enfin, ils sont en mode Soum Soum, pas accessibles. Non, c'est pas ça, si tu veux. C'est que Lucas, qui est, on va dire, un acteur principal dans le tournage, si tu veux, il est souvent pris par ses projets personnels. Il a beaucoup de projets. C'est parce que celui-là a monté une petite entreprise de réalisation de vidéos. Il est beaucoup pris. Quand ils dégagent du temps pour faire des clips, soit c'est des clips où les mecs ils vont poser un billet, tu vois, soit c'est pour ses potes, quoi, si tu veux. Okay. Donc après, c'est toi, t'es lequel, toi? Ah bah moi, je suis son pote, frère. Mmh. Comme je disais tout à l'heure, je suis un pote d'enfance à... Mais tu poses quand même un billet. À ce gars-là, bien sûr. Ouais, bien sûr, tout travail mérite salaire. Okay, bon, bien évidemment, bien évidemment. Okay. Bien évidemment. Ok, bon, écoute, je passe dans une autre rubrique. Allez. On va essayer de répondre au tac au tac. Mmh. C'est plus sur le personnage de Pinkman. Allez, je peux te demander de patienter. Parce que tous les éléments ne sont pas en place. Réunis. Rubrique, ok, d'accord. Donc vas-y, tu peux meubler hein, si tu veux. Fais des claquettes. Fais des... Vas-y. Ouais, je plaisante, vas-y. Ok, c'est bon. Donc le personnage, ouais, je te disais en vrac, je vais te poser 2-3 questions. Enfin, je vais même te dire même 2-3 mots. Et après, c'est à toi d'argumenter derrière si tu as envie d'argumenter. Tu vas voir, c'est tout facile. C'est très très facile. Allez. Si je te dis la sape. Ouais. La sape. Ouais. Quand je regarde les clips, moi, je vois premier bail, c'est la sape. Mmh. Qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à ça? Important. Important. Important parce que c'est au-delà de. Je pense que quand on regarde un clip, on regarde pas forcément la personne qui chante parce que finalement la personne qui chante, tu l'écoutes. Mmh, mmh, mmh. Si tu veux. Donc moi, il me regarde pas forcément. Par contre, c'est important de se démarquer, mais d'essayer de d'avoir une image cohérente avec ce qu'on a envie de représenter. Et comme je te disais tout à l'heure, les influences américaines, machin, etc. Je suis beaucoup axé sur ce qui se fait là-bas, donc très important dans le visuel, dans le personnage, dans tout ça. Voilà. Ok, merci. Très important. Si, si. L'autotune. Mm-hmm. L'autotune. L'autotune, ouais. L'autotune, c'est mon instrument principal. C'est... Je pense honnêtement que j'ai fait une quinzaine de sons sans autotune au début quand j'ai commencé. Et en fait, petit à petit, ben, je me suis mis à mettre de l'autotune en faisant des reprises chez moi, tu vois, ben, comme je disais tout à l'heure, me tester. Et puis en fait, au final, je kiffais le résultat. Tu vois, même si c'était éclaté, j'aimais bien le résultat, le rendu de la voix. Ça améliorait ma voix sur certains points, etc. Après, il y a beaucoup de gens, tu vois, qui sont y a beaucoup de potes à moi qui sont venus en pensant que l'autotune, je posais juste ta voix dessus, puis ça changeait tout. Ouais. Sauf que l'autotune, c'est réellement un instrument. C'est un instrument genre que moi j'ai pas maîtrisé du tout au début. C'est quelque chose, ça demande du travail. Ça demande une oreille aussi particulière parce que l'autotune ça se règle à l'oreille et ça demande aussi une oreille particulière. Donc c'est du travail après. Mais l'autotune pour moi c'est un instrument indispensable. Après il y a beaucoup de fois dans mes morceaux, si t'écoutes bien, où ben il n'y a pas d'autotune. Ouais, ouais. Mais c'est vrai qu'il y en a majoritairement quand même. Ouais. Important. Une autre question qui me vient comme ça. Si là, je te dis, vas-y, je te mets une prod boom bap, énervé. 90s, tu vois, sans autotune, machin, est-ce que tu serais chaud de faire un freestyle comme ça? Ben, en soi, si tu veux, oui, je peux le faire, parce que ça, je l'ai fait, si tu veux, avant, okay. C'est quelque chose que j'ai dépassé, que j'ai déjà validé sur mon, okay. Sur mon tableau, entre guillemets, donc oui, ça, je saurais le faire, il n'y a pas de problème, après, si tu veux... Je prends pas de plaisir à le faire. Okay. J'aime bien quand je suis au studio que j'enregistre un morceau, j'aime bien prendre plaisir à le faire et genre j'ai pas envie qu'il se finisse, tu vois, la période où je l'enregistre. Donc après je peux le faire, mais je prendrais pas forcément trop de plaisir à le faire, tu vois. Okay. Mais voilà. Là si on te dégote un truc comme ça. Là, non franchement je suis honnête avec toi. Après encore une fois le faire, même toi tu vois, toi tu fais du rap, mais vous faites tous du rap ici. Faisais. Ouais, mais...